La réforme que je souhaite ne verra pas le jour de mon vivant. Donc on peut arrêter si vous voulez tout de suite. À la fois j'y crois profondément et je n'y crois pas une seconde. Parce que c'est une réforme trop ambitieuse. Alors en fait, cette réforme créant les instituts d'enseignement supérieur, c'est une idée qui m'est venue au début du mouvement de 2009 pour faire bouger les lignes sur les différents objets du conflit. Et je me suis dit, cette réforme, c'est issue de la réforme protestante. Qu'est-ce qui se passe au XVIe siècle, début XVIe, c'est que tout d'un coup, on va voir cette lutte, moi je la vois bien en Alsace où je vis désormais, entre la redécouverte des temps anciens, des auteurs qui sont enfin traduits en langue latine, c'est-à-dire on commence à organiser des vraies études qu'on n'appelle pas secondaires, mais on va les organiser contre l'université. J'ai vu ça aussi à Reims, dans un premier temps, parce que qui dit réforme dit aussi contre-réforme, c'est-à-dire l'arrivée des jésuites qui vont prendre en charge cet enseignement secondaire, le trivium et le quadrivium. Et donc, tout d'un coup, le baccalauréat, qui était le premier grade universitaire, donc qui était délivré par les gens qui étaient les maîtres, tout d'un coup, c'est distingué de ce qui suit dans l'université de l'époque moderne, licence et puis la maîtrise et le doctorat. Et donc, ça va mettre, le lycée Jean Sturm protestant à Strasbourg est ouvert en 1538, avant même qu'il y ait université à Strasbourg. À Reims, c'est le début du XVIIe. Là, le collège royal, Henri IV, donc la contre-réforme. Et puis, ce n'est qu'au début du XIXe où Napoléon institutionnalise le lycée. 2 siècles et demi. Bon, j'espère que la réforme que je souhaite va demander moins de 2 siècles et demi, parce que sinon, même les plus jeunes d'entre vous ne la verront pas. Donc, c'est, je crois, le temps aujourd'hui, historiquement important. On a raté déjà à plusieurs reprises cette réforme. À partir de 59, on aurait pu la faire, on ne l'a pas faite. 59, c'est la création des brevets de techniciens supérieurs. Donc, De Gaulle est au pouvoir depuis 58 et se dit, c'est encore le temps de la planification à la française, il nous faut des techniciens supérieurs parce que l'activité économique, il y a ces fonctions intermédiaires qui sont là, il n'y a pas seulement des cadres. Donc on aurait pu le faire à ce moment-là. Cette voie des techniciens d'enseignement, des sections de techniciens supérieurs, voie qui est créée dans les lycées, et là, donc c'est une des 4 voies qui existe encore aujourd'hui. 233 700 étudiants, selon la dernière note de la NEP, sont inscrits en STS, un peu plus puisqu'il y a aussi 45 000 apprentis en STS, donc ça fait un peu plus de 300 000. Cette voie-là existe. Il y a une deuxième voie qui est réformée au niveau des universités cette fois, c'est la création des DUT en 68. Donc deuxième voie post-bac qui existe encore aujourd'hui, c'est la voie des DUT 1966, DUT en 2 ans. Quand les DUT sont créés, il est annoncé explicitement que les STS devront être en extinction, c'est-à-dire les DUT ont vocation à remplacer les sections de techniciens supérieurs, donc de les mettre dans un cadre universitaire et non plus dans le cadre des lycées. C'est ce qui se passe. Les effectifs de DUT progressent, les effectifs de STS diminuent. Mais arrive 82. 82, ce sont les premières lois de décentralisation. Et donc, les régions peuvent dire leur mot sur l'offre de formation et la carte des formations. Donc, à partir de 82, on voit que les effectifs de STS et de DUT progressent chacun de leur côté et se tirent la bourre sur le territoire, puisque l'implantation de STS et de départements de DUT est largement influencée par les collectivités territoriales. Mais les DUT sont des diplômes du ministère de l'Enseignement supérieur, des BTS de l'Éducation nationale, et les régions ont bien plus à dire sur l'ouverture de BTS que sur l'ouverture de DUT, même si elles font des pressions qui feront que dans certains cas, on est les deux dans les mêmes villes. Le plus bel exemple que j'ai vu, une sorte de gaspillage d'argent public, comme je l'appelle, c'est la ville de Figeac, 9000 habitants. La ville de Figeac, où j'étais, puisque retraité, on peut prendre des vacances tout au long de l'année. J'ai vu un IUT de plein exercice, 3 départements. J'ai vu deux lycées avec des classes de STS, et chaque fois avec des classes de STS et des DUT de production industrielle, puisqu'il y a de l'avionique dans le coin, ben, c'est loin de Toulouse, mais c'est quand même rattaché à l'Académie de Toulouse, et le DUT est rattaché à une des universités de Toulouse, Toulouse-le-Mirage. Comment une ville de moins de 10 000 habitants a une dignité de plein exercice et plusieurs classes de STS avec des effectifs qui ne sont pas de 10 élèves dans les classes? C'est surprenant. Mais il se fait que l'ancien député maire de Figeac est aujourd'hui président de la région Midi-Pyrénées, ceci expliquant cela. Même s'il y a des coopérations entre CSTS et le DUT, quelque chose, le fait que ça soit dans deux établissements différents, crée des problèmes, crée des choses qui ne sont pas indispensables. Voilà donc deux des voies. Je ne ferai pas l'histoire des classes préparatoires aux grandes écoles. Elles sont dans les lycées. Il y a trois voies, comme vous les connaissez, les scientifiques, économiques et commerciales, et puis littéraires, les sciences sociales. Et puis, il y a notre fameuse licence universitaire, qui, depuis les arrêtés de 2002, est devenue une licence en trois ans, le DUG disparaissant. Donc, on a quatre voies post-bac. Il va être intéressant, les mois qui viennent vont être des mois qui sont cruciaux, puisque Valérie Pécresse, en accord avec l'UNEF, cette alliance UNEF-Pécresse est tout à fait intéressante. Elle a eu lieu déjà au moment de la LRU, elle a eu lieu en 2002. Elle va se reproduire pour la réforme des arrêtés de 2002, c'est-à-dire la création du LMD. Donc on va vers une réforme de la licence. J'ai lu la lettre de la CPU qui vient de sortir, la nouvelle lettre. La CPU est hostile à la refonte des arrêtés de 2002. Donc on va trouver un front Pécresse-UNEF contre les présidents d'université. Avec, pour ce qui est de la licence, l'idée qu'il faut avoir à la fois des licences pluridisciplinaires, on conteste l'éclatement de l'offre de formation. Est-ce que vous savez que sur les élèves de terminale actuellement sont sur admission post-bac, ils ont jusqu'au 21 mars pour mettre en ligne 36 vœux et les hiérarchiser. Il y a en France, à partir d'admission post-bac, 365 diplômes différents pour les gens qui sont en terminale. 365, comme un même diplôme, par exemple un DUT de gestion des entreprises et des administrations dans plusieurs lieux, ça veut dire qu'il y a 10 085 possibilités pour les étudiants actuellement en terminale. L'offre de formation est illisible. Donc, grosso modo, la réforme qui pourrait avoir lieu avant l'été, dit Valérie Pécresse, serait une réforme qui serait, on comprend pourquoi la CPU est hostile, une réforme qui recentraliserait, c'est-à-dire qui renationaliserait, c'est-à-dire avec des contraintes nationales plus fortes en termes de titres des diplômes, de simplification de l'offre. Les universités n'auraient plus la possibilité de construire les contenus de licence. C'est tout à fait intéressant, chaque fois que Valérie Pécresse parle d'autonomie, ça veut dire qu'elle fait un pas pour refaire retourner l'autonomie en arrière. Comment ce pourra être possible de faire à la fois des licences qui sont pluridisciplinaires, qui ne sont pas tubulaires sur une discipline donnée, donc avec cinq grands domaines, hein, chacun les connaît, ils sont déjà dans le LMD, hein, santé, sciences et technologies, droit, économie, gestion, lettres, arts et langues, et puis sciences humaines et sociales. Et en même temps, Valérie Pécresse et l'UNEF disent il faut que la licence prépare à l'emploi. Donc comment on peut avoir cette chose-là? Une licence pluridisciplinaire avec un enseignement adossé à la recherche et une préparation à l'emploi au sortir de la licence. Moi, je dis, la licence générale n'a pas de marché du travail aujourd'hui et n'en aura pas. Alors, combinant tout ça, je dis aussi, moi, la licence universitaire est morte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de la relever. Ça ne sera que des rustines. On a vu, Michel Barthélémy a dit que le rapport de l'IAENR sur le plan licence est nul. C'est-à-dire, ça tient aux bonnes volontés d'enseignants de faire du tutorat, les référents individuels, les semaines de pré-rentrée, un peu d'orientation après un mois. J'ai vu cette chose horrible à Grenoble récemment. Une quarantaine d'élèves qui sont là au début novembre, c'est-à-dire ils sont à l'université depuis un mois et ils ne se sentent pas à l'aise dans la licence qu'ils ont. Et donc on voit des projets tout à fait étonnants, des gens de langue qui veulent faire un DUT informatique, ou même il y avait aussi des étudiants de DUT qui étaient là en informatique et qui veulent faire une licence de philosophie après un mois. Sachant que Il n'y a pas de réorientation possible. Il y a sur Grenoble un seul DUT qui commence au deuxième semestre, c'est-à-dire la possibilité de ne pas perdre une année. Les boursiers perdent forcément une année parce que s'ils ne poursuivent pas leur, s'ils ne vont pas au cours dans lequel ils sont inscrits, ils perdent leur bourse. Donc, c'est-à-dire, on est en novembre, ils vont devoir continuer à s'ennuyer, à aller au cours, alors qu'ils ne veulent plus faire ce chemin. Donc, arrêtons de mettre des rustines sur les quatre filières de l'enseignement supérieur. Donc, les CPGE, vous avez vu, pour les CPGE littéraires et de sciences sociales, on ouvre les écoles de commerce et de gestion, puisque la probabilité pour un élève de prépa en filière littéraire et sciences sociales d'intégrer une des trois ENS est extrêmement faible. Faire des prépas partenariales université avec classe prépa des lycées, ça revient à donner exactement tout le pouvoir au lycée. Hein, il faut regarder qu'est-ce que c'est qu'une prépa partenariale. Donc, les CPGE vivent leur vie. Il y a le lobby des profs de prépa. Vous savez que les profs de prépa qui sont titulaires de chaires de prépa gagnent bien plus que des professeurs d'université classe exceptionnelle. Donc, il y aura un lobby des prépas qui est là. Concernant les STS, les taux de succès pour les bacheliers professionnels sont extrêmement faibles. La dernière donnée que j'ai vue dans l'état de l'enseignement supérieur, c'est que moins d'un bac pro sur deux, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux en BTS, obtient son BTS, et donc 48% sortent de l'enseignement supérieur sans diplôme s'ils sont allés en BTS. Alors il y a une réforme des BTS qui est en cours, une sorte de LNDisation du BTS, c'est-à-dire la création de crédits compensables entre eux. On a bien sûr aussi le lobby des IUT. Vous avez vu que les IUT veillent à préserver leurs ressources propres, leurs ressources fléchées. Donc l'ADIUT, l'association des directeurs d'IUT, l'INPIUT, l'association des présidents d'IUT, puisque les présidents d'IUT ne sont pas les directeurs, les présidents d'IUT sont des gens des entreprises qui président le conseil d'administration, ont demandé à faire sécession, c'est-à-dire à créer une agence des DUT répartissant les crédits de l'État et décidant elle-même où on implante des départements de DUT. Et puis, pour la licence, on a ce fameux plan licence qui a largement échoué. Alors, je me dis, faisons cette réforme avec plusieurs arguments pour cette réforme. Donc, créons des instituts d'enseignement supérieur de 2000 à 2500 élèves, s'il en faut 600. Ils seraient répartis dans non seulement dans les métropoles régionales, bien entendu, mais aussi dans toutes les villes moyennes et grandes. Si on voit la carte des BTS, la carte des instituts d'enseignement supérieur sera à peu près la même. Si vous voyez la carte des STS, c'est celle qui est la plus diffusée sur le territoire, beaucoup plus que les départements de l'UT. Donc, en faisant un calcul à la louche, ça serait 600. Alors, un IES, c'est la chose suivante. On fait donc disparaître la licence universitaire, on fusionne les STS et les DUT qui, quand vous comparez les 70 spécialités de STS et la bonne quarantaine de spécialités de DUT, grosso modo, on peut refaire ça et simplifier aussi parce que il y a des spécialités de STS qui n'ont pas 500 étudiants en France. Hein, la plus grande est en commerce et vente avec 45 000 étudiants. Mais on a aussi des DUT de technique de commercialisation. Donc tout ça, c'est pas raisonnable. Et puis, sortons aussi des classes préparatoires des grandes écoles, des lycées. Donc l'Institut d'enseignement supérieur, c'est un établissement public à part, donc qui se situe entre le lycée et l'université et ses grandes écoles. Alors, tout IES, donc 600, est organisé en deux voies. Une voie que j'appelle longue, en 3 ans, la licence, qui est, grosso modo, un élargissement des classes préparatoires aux grandes écoles. Il faut, pour pouvoir les études universitaires de master et de doctorat, élargir la base d'élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et donc réformer les classes préparatoires aux grandes écoles. Parce qu'on dit que la licence doit s'appuyer sur la recherche. À ma connaissance, les élèves de classes préparatoires en grandes écoles ne sont pas tellement préparés à la recherche, alors qu'ils constituent le vivier de recrutement des maîtres de conférences d'aujourd'hui, ce qui est quand même un peu bizarre. Donc, une voie longue, et puis une voie professionnelle, donc celle qui a fusionné les STS et les DUT, une voie professionnelle en 3 ans. Et chaque IES doit avoir au moins 2 voies longues et 2 voies professionnelles pour permettre des passerelles à l'intérieur du même établissement. prenons un IES qui a une voie longue santé et puis sciences et technologies, et parallèlement une voie professionnelle, des licences professionnelles du secteur santé et puis du secteur scientifique et technique. Il est important que la voie longue et la voie professionnelle soient dans le même établissement, qu'il y ait deux voies dans le même établissement, de telle manière que les réorientations et les passerelles soient possibles. Actuellement, les passerelles, je viens de lire l'article du Monde cet après-midi sur déjà l'échec de la réforme de la première année de santé, où on prépare aux quatre concours possibles, la médecine, pharmacie, odontologie et puis j'ai oublié le quatrième, sage-femme. Les étudiants au bout d'un semestre, y compris les redoublants, qui constatent que leurs notes ne leur donnent aucune chance de réussir, disons, le passage en deuxième année, qui est sur numerus clausus, comme vous le savez, en fonction du nombre de places de médecins ou de pharmaciens ou de dentistes qu'on veut à terme. Donc ces étudiants, on leur avait dit qu'ils pourraient se réorienter, et le problème c'est qu'il n'y a pas de réorientation après le premier semestre, les universités ne l'ont pas organisé. Qui est-ce qui l'organise? Ce sont les prépas privés. C'est-à-dire, une des argumentations pour ces instituts d'enseignement supérieur, c'est que personnellement, je suis pour un service public d'enseignement supérieur, et qu'on voit depuis des années que le secteur privé d'enseignement supérieur gagne des points. Et là, c'en est une preuve nouvelle. Les gens qui décident d'abandonner la première année de sciences de la santé vont aller dans le privé pour ne pas perdre une année. Les universités n'ont pas prévu de réorientation. On exige d'elles qu'elles aient des réorientations pour l'année 2012-2013. Donc, voie professionnelle de 3 ans, et puis voilà. Les passerelles dans un même établissement sont plus faciles que d'un établissement à l'autre. Et il est tout à fait possible que quelqu'un qui s'engage dans une voie longue dise en définitive je me suis trompé, il a la voie professionnelle dans le même établissement, il peut se convertir de manière extrêmement facile. Inversement, celui qui a choisi une voie professionnelle se dit oh là, je me sens d'aplomb pour aller loin, et puis il repasse dans la voie longue. Voilà donc le schéma général. Alors, les arguments qui sont contre. Pour l'instant, je n'ai pas vu une seule personne dans ma vie qui dit « c'est vachement bien ton système de l'institut d'enseignement supérieur, c'est celui qu'il faut, de toute manière, ça ne réussira pas, puisque tu auras le lobby des classes prépa, tu auras le lobby des IUT, et tu auras le lobby des enseignants-chercheurs qui veulent avoir quand même des étudiants de premier cycle, parce que s'il n'y a plus d'étudiants de premier cycle qui sont dans l'université, c'est quand même difficile pour les doctorants de faire des cours, les ATER, les chargés de cours, etc. » Les jeunes maîtres de groupe, les profs n'étant plus, et les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, qui sont le fer de lance de l'enseignement supérieur dans les CPG, les classes préparatoires, dans les STS, dans les DUT, et aussi dans les licences universitaires. Alors, la CPU dit il faut un enseignement de licence adossé à la recherche. Et l'argument s'arrête là. Qu'est-ce que veut dire un enseignement qui soit adossé à la recherche? Première chose possible, on peut entendre un enseignement adossé à la recherche, un enseignement qui tient compte des résultats de la recherche. Bien évidemment, oui. Et je suppose qu'en classe préparatoire ou scientifique, on tient compte, les professeurs agrégés qui ont une classe spéciale font un enseignement qui tient compte des derniers résultats de la recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des manuels. Pour des manuels, il y a des choses où on tient compte des résultats les plus récents. Ben ça, on peut le faire dans n'importe quel type d'établissement. On le fait en particulier dans les classes préparatoires. Donc on peut le faire dans les instituts d'enseignement supérieur, avoir des cours qui ne datent pas de Mathusalem du point de vue du dernier état de la science. Deuxième chose qu'un enseignement adossé à la recherche peut vouloir dire, c'est qu'il faut que ce soit des enseignants-chercheurs qui enseignent. Alors là, ça peut se discuter aussi. Pourquoi des enseignants-chercheurs qui seraient-ils les seuls à faire un enseignement qui s'adosse sur la recherche? Si, moi je suis aussi, c'est un des volets des IES, je trouve que dans les IES, il faudrait que n'enseignent que les professeurs agrégés. Ça veut dire que je mets en extinction le corps des maîtres de conférence. Là aussi, vous voyez que ça n'a aucune chance de se réaliser, et on pourrait arrêter là aussi. Il faut bien entendu changer à ce moment-là le concours de l'agrégation. que certains me disent, ouais, mais il n'y a pas d'agrégation dans toutes les disciplines. Si on fait l'histoire de l'agrégation, bon, on a créé des nouvelles agrégations tout au long des deux derniers siècles, donc ça, c'est pas difficile d'en créer de nouvelles pour couvrir tout le champ disciplinaire. Bon, bien entendu, il faut que disons, les agrégés qui enseigneraient dans ces enseignements supérieurs soient des gens qui étaient formés à la recherche, puisque c'est parmi eux qu'on va recruter les professeurs des universités. Donc c'est une deuxième signification. Je ne suis pas persuadé qu'il faille des enseignants-chercheurs pour adosser, disons, l'enseignement supérieur à la recherche. Il y a une troisième raison aussi, c'est que ça peut vouloir dire adosser l'enseignement à la recherche, qu'on ait un enseignement à et par la recherche. Alors, si on a un enseignement à et par la recherche, ça suppose une pédagogie en licence qui soit tout à fait différente de celle qui est aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, il faut passer du temps, c'est-à-dire, il faut passer aussi beaucoup plus de temps à faire des travaux dirigés, des travaux pratiques. Il faut qu'il y ait une initiation à la recherche. La recherche doit être maturée, donc il faut passer beaucoup plus de temps que les malheureuses heures qui sont dédiées à la licence aujourd'hui. Donc, je trouve que cet argument est relativement faible parce qu'il n'a pas de profondeur. Personne n'explicite qu'est-ce que c'est un enseignement adossé à la recherche. Alors, si je continue sur les arguments, oui, parce que je ne vous ai pas dit les arguments aussi qui poussent à la création d'instituts d'enseignement supérieur, il y en a quelques-uns. C'est que on est au niveau des universités que j'appelle moi de recherche, c'est-à-dire master et doctorat et grandes écoles. Les écoles, ils ont des universités. Ce serait aussi un moyen de réintégrer les grandes écoles dans ces universités de doctorat, de master et de doctorat. On est dans un processus, comme vous le savez, de regroupement des universités. Des regroupements d'universités qui sont faits de manière totalement incohérente, stupide, bête et méchante. C'est-à-dire, si vous y comprenez quelque chose, vous, à l'utilité des pôles de recherche et d'enseignement supérieur qui sont censés mutualiser certaines compétences que leur accordent leurs membres fondateurs, il faut regarder de près hein, ce qui est mutualisé. Alors, ce qui est mutualisé, ce sont effectivement les écoles doctorales. On crée un certain nombre d'écoles doctorales. On devient docteur du Brest machin plutôt docteur de l'université machin. On signe ensemble toutes les publications. Pour l'instant, il y a le rapport récent de la Cour des comptes qui est quand même assez étonnant. Quelle est la valeur ajoutée des dépenses qui ont été faites pour les presses? Pour l'instant, il n'y a aucune valeur ajoutée prouvée. Est-ce que ça produit plus de docteurs? Forcément, si on se met ensemble, ça en produit plus. Est-ce que ça produit des docteurs de meilleure qualité? Ça se laisse. C'est une question qui se pose. Est-ce que ça produit plus de publications valables? Alors, mécaniquement, ça produit plus de choses valables, puisque chacun signe désormais presse machin, université machin, labo machin, équipe machin. Donc, les signatures deviennent des signatures longues à tiroir. Donc, il va y avoir des regroupements. Si vous prenez l'autre forme de regroupement qui est encore plus alambiquée, plus sophistiquée et encore plus idiot que le reste, ce sont les IDEX, les initiatives d'excellence. Si vous comprenez quelque chose à la gouvernance des IDEX, vous me faites signe, puisque chaque IDEX a été réalisé, si vous connaissez un peu comment les IDEX ont été fabriqués localement dans les différentes régions, il y a des cas où c'était sous-traité au secteur privé, à des boîtes de consultants qui ont fait directement les projets en langue anglaise, puisqu'on n'est pas capable dans les universités d'écrire des projets en langue anglaise, et que le jury va être un jury international. Ça associe privé et public, ce qui est que, alors que des écoles de commerce font la concurrence avec les écoles de management des universités, c'est une chose qui sera ingouvernable. Donc, il va y avoir des regroupements. Moi, je suis partisan de la fusion des universités. Strasbourg l'a réalisé, Aix-Marseille est en train de le faire, Lorraine le fait, et Montpellier le fait aussi. Donc, je vois, moi, à terme, 15 à 17 universités. Les initiatives d'excellence 5 à 7, comme le veut le gouvernement, c'est stupide, parce qu'on peut déjà les désigner. Elles sont toutes faites. Le jury international, c'est pipeau. On sait les 5 à 7 qui vont sortir du panier immédiatement. On peut, je les dirai, si vous voulez, tout à l'heure, lesquelles sortiront du panier tout de suite. Donc, il faut une fusion, et on ne peut pas faire des fusions avec des universités qui aient 100 000 étudiants. Marseille va en avoir 85 000, c'est pas possible. C'est-à-dire, si on laisse le premier cycle dans ces universités, il va être encore plus massacré. Puisque les indicateurs de performance, ça va être largement sur la recherche, un peu sur les taux de succès aux examens, mais ça n'a pas de sens de faire des méga universités de 100 000. Donc il faut sortir le cycle de licence pour avoir une quinzaine d'universités de 20 à 25 000 étudiants. Il en faut une dans chacune des régions, bon, pas dans toutes les régions, parce que je ne crois pas que Picardie et Champagne-Ardenne puissent chacune avoir une université à terme, je ne crois pas que les deux Normandies puissent avoir une université à terme, et que la Corse et les territoires d'outre-mer puissent avoir une université à terme. Donc 15-17, ce serait raisonnable. On ne peut pas humilier les régions quand on donne du pouvoir aux régions. Ce ne serait pas raisonnable que la Normandie ensemble n'ait pas une université, que la Bretagne n'en ait pas une. Or, vous regardez, c'est... Les universités qui vont avoir les initiatives d'excellence, elles ne sont pas à l'ouest et au nord. Elles sont dans le, vous voyez, là, Strasbourg jusqu'à Montpellier. Plus Paris, bien entendu, Paris à côté. Donc, un des arguments des IES, c'est effectivement qu'il va y avoir fusion et que c'est raisonnable. La France est un petit pays au niveau recherche aujourd'hui. Donc, si elle veut être lisible et au niveau international, il faut qu'on puisse dire... Alors qu'actuellement, comment voulez-vous, moi je me présentais à l'université de Marne-la-Vallée, mes collègues italiens me faisaient travailler à Paris 12 vers Val-de-Marne. C'est inconcevable qu'il y ait ces deux universités-là, qui sont dans le même presse aujourd'hui et qui gardent chacun leur appellation avec un titre encore plus compliqué pour l'université Paris 12, Créteil, Val-de-Marne et Saint-Glaglin. Donc ça c'est un des arguments. Deuxième argument, c'est on ne peut, si on respecte la loi de l'école 2005 dit 50% d'une génération diplômée du supérieur. C'est repris dans chacune des lois de finances, c'est un des indicateurs de performance. Est-ce que vous savez combien aujourd'hui de jeunes sont diplômés de l'enseignement supérieur dans une génération? On en est à 42%. Et c'est stagnant depuis le début des années 2000. Les chiffres sont anciens, c'est deux cohortes de bacheliers. Ça aussi, c'est un autre problème. On fait des réformes avec un système statistique qu'on maltraite, qu'on épuise. Donc on ne fait plus que de la manipulation de statistiques. C'est honteux, mais c'est comme ça. Donc, pour faire avoir 50% d'une génération, il n'y a pas 36 solutions. La seule marge de manœuvre qu'on ait, c'est de faire monter en puissance les bacheliers professionnels. Tous les bacheliers généraux poursuivent, 85% des bacheliers technologiques poursuivent. Par contre, c'est moins le cas pour les bacheliers professionnels. Les bacheliers professionnels ne sont pas pris dans les filières sélectives. Vous les prenez dans les STS, filières sélectives aussi, 48% des bacheliers des professionnels échouent. Ils ne sont pas pris dans les DUT. Si vous les admettez à l'université, seul lieu où il n'y a pas de sélection à l'entrée, ils sont assassinés. Moins de 4% des bacheliers professionnels obtiennent leur licence. Donc il faut des établissements de proximité pour les bacheliers professionnels. Et puis, bon, la dernière minute, je la consacre au fait qu'il y a encore des choses à dire, quoi. Mais j'entends déjà vos remarques en disant « je veux bien les entendre ». J'adore les remarques en disant « soyons fous, faisons une réforme historique plutôt que de faire du replâtrage ». Moi, j'appelle Valérie Pécresse, je ne l'ai pas encore intitulée comme ça sur mon blog, mais elle va avoir bientôt une chronique qui s'appellera Valérie la rustine, parce qu'elle ne fait même que des rustines sur l'ensemble. Elle n'a pas de vision globale, de stratégie globale de l'enseignement supérieur. Elle fait par petits coups, avec une tactique quand même fort savante, c'est-à-dire il faut qu'elle occupe le terrain continuellement. Et elle aura occupé le terrain, je l'admire pour ça, pas un mois sans effet d'annonce nouvelle. Donc là, son chantier, c'est la réforme de la licence. Elle aura comme allié l'UNEF, puisque l'UNEF a déjà... reprenez ce que dit le communiqué de Pécresse et lisez ce que dit l'UNEF, le langage est le même. Alors, pourquoi l'UNEF va s'allier? Parce que Pécresse va dire pas de sélection à l'entrée de la licence, va dire on ne relève pas les droits d'inscription, et puis on va faire des efforts pour professionnaliser. Alors, ne parlons pas de professionnalisation. Pécresse ne parle pas de stage en licence générale, heureusement, parce qu'on ne peut quand même pas avoir des stages pour 2 350 000 étudiants en France. C'est un coût, s'il faut gratifier les stages et calculer d'autres jours pour les autres. Non, mais Pécresse n'en parle pas. Elle ne met pas dans son... Non, je l'ai relu tout à l'heure. Le communiqué de Pécresse sur la licence, elle parle de professionnalisation, elle ne parle pas de généralisation des stages dans son communiqué. Je croyais aussi trouver ça, mais non, il n'y est pas. L'UNEF le met, bien entendu. Donc, mettre des stages en licence générale... il y a une voie professionnelle pour celle-là, la licence professionnelle existe. J'en ai dirigé une à Marne-la-Vallée, c'est je trouve un excellent diplôme pour les étudiants. Et donc, les mois à venir vont être intéressants parce que la CPU va défendre l'autonomie, elle va protester une fois de plus, va s'indigner, comme elle dit, du fait qu'elle n'est pas consultée par le ministre. Pourtant, Louis Vogel a appelé à voter Sarkozy aux dernières élections. Hein. Donc, le président de Paris 2, c'est quelqu'un qui ne cache pas sa couleur. Berland, qui est dans son équipe, c'est aussi un gars qui est de la même majorité. Donc, ils vont s'indigner au nom de l'autonomie. Et puis, le tout pour le tout, c'est aussi un moyen de le troisième argument, c'est un moyen de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur des établissements de proximité. La condition, bien entendu, Pécresse n'en parle pas, l'UNEF en parle. C'est la licence générale, vous savez, la dépense par étudiant, celle qui est en CPGE, dans les STS et dans les DUT. Alors, on a masqué, on a manipulé la dépense par étudiant universitaire, puisque la loi de finances fait qu'on a regroupé DUT et licence. Bon, les DUT étaient financés comme les STS, donc bien plus que la licence. Donc, bien entendu, les IES, une condition de la démocratisation pour parvenir à 50%, c'est qu'on ait une dépense par étudiant qui soit homogénéisée vers le haut et non pas vers le bas.